À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung et du 52e anniversaire de l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, les rassemblements, conférences, expositions de livres et de photos et séances de films ont eu lieu en Hongrie, au Pakistan et au Pérou.